Chapitre 23e. En quittant le colonel sur le seuil de la petite porte de la rue de Valois, Madame de Lucilière était loin de se rendre compte de l'effet qu'elle avait produit en lui. Comment avait-il pu écouter ses explications à propos du buvard sans tomber à ses pieds où elle l'attendait? Comment avait-il pu la laisser partir sans un mot, sans un geste pour la retenir? À chaque marche de l'escalier qu'elle descendait derrière lui, elle l'avait regardé pour voir s'il n'allait pas se retourner et la prendre dans ses bras. Mais non, il avait suivi son chemin, portant gravement, bêtement, sa lampe. Sur le seuil de la porte de la rue de Valois, il avait eu, il est vrai, un mouvement d'élan. Mais alors il était trop tard. Ce n'était pas dans la rue, même déserte, qu'elle pouvait continuer et achever ce long entretien. Aussi était-ce avec un geste d'exaspération qu'elle lui avait jeté la porte sur le nez. Décidément, il était aveuglé, annihilé par la passion. Il aimait Carmelita, rien à attendre de lui. En raisonnant ainsi, elle était elle-même aveuglée par la passion qui lui avait fait faire fausse route. L'immobilité et le silence du colonel, pendant ce long entretien, ne signifiaient point qu'il était insensible à la parole qu'il écoutait. Bien au contraire. C'était pour ne pas céder au mouvement qu'il entraînait, qu'il s'était à grand-peine enfermé dans ce silence et cette immobilité. Un geste, un mot, et il sentait qu'il se laissait emporter, sans savoir où et comment il pourrait s'arrêter. Tout d'abord, la brusque entrée de Madame de Lucilière l'avait profondément troublé. Il ne s'attendait pas à la voir. Il ne s'attendait pas surtout à la retrouver dans cette chambre où elle était venue si souvent, où tant de paroles passionnées avaient été échangées entre eux, où chaque meuble, chaque chose gardait son souvenir, comme si elle lui laissait une partie d'elle-même. Ce n'est pas telle qu'elle était en ce moment qu'il la voyait, mais telle qu'elle était autrefois, alors qu'elle se jetait dans ses bras. Elle l'avait trompé, trahi, cela était vrai, et il ne l'oubliait pas. Mais il était vrai aussi, et il ne l'oubliait pas non plus, qu'il l'avait aimée, passionnément aimée, et qu'elle-même l'avait aimée. Que de joie cette apparition évoquait. Il n'était pas éteint en lui, les souvenirs de ses joies, et sous les cendres dont il les avait couverts, il brûlait encore. Avec son souffle, elle venait d'écarter ses cendres, et les flammes avaient jailli, projetant une lumière qui rendait au passé tout son éclat. Que de fois s'était-elle tenue ainsi devant lui, mais alors les bras ouverts, les yeux souriants, les lèvres provocantes. C'était sur ce fauteuil qu'il venait s'asseoir, alors que devant la glace, se préparant à partir, elle arrangeait ses cheveux épars sur ses épaules. C'était là que, levant les yeux vers elle, tremblant des dernières vibrations de ses nerfs alanguis, il lui posait une question qui se répétait chaque jour, sans varier jamais. Quand nous reverrons-nous? Si sa simple présence produisait ce trouble en lui, avant même qu'elle eût ouvert la bouche, quel devait être l'effet de sa parole lorsqu'elle commencerait à parler? Que voulait-elle? Qu'allait-elle dire? Prouver qu'elle ne l'avait pas trompé, sans doute, et cette pensée lui avait rendu toute son énergie, effaçant toutes les joies du passé, pour ne conserver visible et sensible que l'atroce douleur qui l'avait accablée, lorsqu'il avait tenu entre ses mains ses feuilles du buvard, et lorsque de ses yeux il avait lu, car enfin il les avait lues, bien lues, ces lettres écrites par elle. C'était alors qu'il avait relevé la tête et l'avait durement regardée. Ce n'était plus Henriette qu'il avait devant lui, c'était la maîtresse du duc de Mestosa, de Lord Ferguson, du prince Seratov. Mais cette justification qu'il attendait, elle ne l'avait pas entreprise. « Tout est fini entre nous. Vous ne m'aimez plus. Je ne vous aime plus. Je trouve donc simple et naturel que vous vous mariez et que vous épousiez Thérèse qui vous aime. » Avait-elle parlé sincèrement? Était-il vrai qu'elle eût acquis la certitude que cet amour exista? Ces dernières questions, il se l'était plus d'une fois posée, et longuement, il l'avait agité en ses heures de tristesse et de solitude. Mais il y a loin des hypothèses de l'esprit à une affirmation directe et précise, telle que celle de la marquise. « Thérèse vous aime. J'ai vu cet amour. J'ai surpris ses regards. J'ai entendu le timbre de sa voix émue lorsqu'elle vous parlait. J'ai excité sa jalousie exprès pour obtenir la confirmation de mes doutes, et je vous dis qu'elle vous aime. » Ce n'était pas la première fois qu'elle parlait de cet amour. Autrefois, elle le faisait avec des allusions et des plaisanteries. Maintenant, elle l'affirmait hautement. Mais il n'avait pas pu arrêter longtemps sa pensée sur Thérèse. il avait fallu suivre la parole de Madame de Lucilière, qui enfin arrivait au buvard. S'il était un sujet qui eût occupé son esprit et son cœur, c'était celui-là. Pendant des journées et des nuits entières, sans repos, sans relâche, ses feuilles de buvard étaient restées devant ses yeux, sans qu'aucun moyen pût les écarter. Tout ce que l'imagination peut inventer, il l'avait examiné. Toutes les explications plus ou moins raisonnables, toutes les excuses, il se les était données. Mais dans ces explications, il y en avait une qui ne s'était jamais présentée à son idée. C'était cette négation. « Je n'ai point écrit les lettres dont les empreintes ont été prises par ce buvard. Ce buvard n'était pas le mien. Ces lettres n'ont point été écrites par moi. » Sans doute, il ne suffit pas de nier pour prouver, car rien n'est plus facile que de dire « je ne suis pas coupable ». Mais, d'un autre côté, l'accusation non plus ne porte pas sa preuve avec elle. Il faut qu'elle aussi fasse cette preuve. La preuve, c'était le buvard. Mais si vraiment, elle n'avait pas écrit les lettres dont ce buvard avait reçu les empreintes, si ces lettres étaient l'œuvre d'un faussaire. Il y avait l'écriture. Mais si cette écriture avait été imitée, contrefaite, cette contrefaçon était-elle impossible? Était-elle improbable? Il était en face de deux affirmations contradictoires. Celle du billet anonyme disant « La preuve des tromperies de la marquise de Lucilière est dans ses lettres. » Celle de la marquise disant « Ces lettres ne sont pas de ma main. » Laquelle croire? En faveur de laquelle étaient les probabilités? Contre laquelle se dressaient les impossibilités? Était-il impossible que ce billet anonyme mentît? L'était-il que ce fût la marquise? En somme, il fallait arriver à un choix. Le billet anonyme s'appuyant sur la copie des lettres, ou bien la marquise s'appuyant sur sa simple dénégation. Mais en réalité, ce n'était pas sur une simple dénégation que la marquise s'appuyait. C'était sur une accusation directe, sur une affirmation précise. Je jure que l'auteur du billet anonyme est le prince Mazzazzoli. Lorsqu'on examine une accusation, le premier point recherché est l'intérêt que l'accusé avait à faire ce qu'on lui reproche. Or, dans cette affaire, l'intérêt du prince Mazzazzoli n'était que trop certain. Pour lui, il s'agissait d'amener une rupture entre la marquise et le colonel, afin de faire épouser sa nièce à ce dernier. Si cet intérêt ne s'était pas montré au moment de l'envoi du billet anonyme et du buvard, maintenant il était évident. Pour le voir, le colonel n'avait pas eu besoin que la marquise le lui fît toucher du doigt. Et tout ce qu'elle lui avait dit, il y avait longtemps qu'il se l'était dit lui-même. L'arrivée du prince au Glion, son installation dans l'hôtel, les promenades de Carmélita dans la montagne, la scène de l'orage, avaient jeté dans son esprit des doutes qui lui avaient fait quitter la Suisse le lendemain même de cet orage. Et s'il était revenu auprès de Carmélita, ce n'était pas parce que la réflexion avait dissipé ses soupçons, mais parce que la voix de l'honneur lui avait imposé ce devoir. Maintenant, si l'accusation de Madame de Lucilière était fondée, si le prince était l'auteur de ce billet anonyme, s'il avait lui-même écrit les lettres du buvard, quelle force accablante prenait ses doutes! C'était un enchaînement de faits qui démontrait qu'on s'était joué de lui, et que pour arriver à ce mariage, on n'avait reculé devant aucun moyen, même le plus honteux, même le plus infâme. Qui croire? Où était la vérité? Jamais il n'avait éprouvé anxiété plus poignante. Et il était irrésolu, incertain, n'osant aller ni d'un côté ni de l'autre, en présence de ces trois questions. Thérèse l'aimait-elle? La marquise était-elle innocente? Carmélita avait-elle joué un rôle qui lui avait été imposé par son oncle? Voilà pourquoi, au lieu de tomber aux pieds de Madame de Lucilière, il s'était renfermé dans le silence et l'immobilité. Pourquoi il l'avait précédée dans l'escalier portant gravement, bêtement sa lampe? Pourquoi enfin, après l'avoir vue rentrer à l'hôtel Lucilière, il était revenu chez lui, et au lieu de se coucher, il avait arpenté en long et en large son appartement pendant toute la nuit? Où était la vérité? Et toujours, sans trêve, cette question revenait, plus exaspérante à mesure qu'elle se répétait.